Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant on connaît maintenant les adversaires de Samuel Girard et de l'Avalanche du Colorado. Il s'agit des Sharks de San Jose qui ont remporté une victoire en prolongation de 5-4 contre la formation des Golden Knights de Las Vegas. Évidemment, c'est un match qui a été très, très controversé puisque les Golden Knights menaient 3-0 en troisième période, à mi-chemin en troisième période, et il y a eu une punition à Cody Eakins, c'est une punition de 5 minutes qui a fait en sorte qu'il a ouvert le chemin, une poussée de 4 buts sans riposte lors de cet avantage numérique pour les Sharks de San Jose. La série devrait commencer vendredi à San Jose. Maintenant, hier, on a fait le bilan de la saison du côté des Rapides de Dolbeau-Mistassini. Les Rapides qui ont connu une bonne année, qui ont perdu en quart de finale. Et Richard Fortin était évidemment... Elle avait long à dire face au travail des officiels. Vous pouvez aller dans la section entrevue de danradiosport.com pour parler des affirmations de Richard Fortin sur les arbitres à la Coupe Dodge. Par contre, il s'est dit quand même très très satisfait de la saison. On va écouter là-dessus l'instructeur-chef Richard Fortin. Non, définitivement que tu sais, regarde-moi, je regardais le nombre de matchs qu'on a joué. On a joué 50 matchs, avec la Coupe Dodge inclus. On a fini avec un bilan de 34 victoires, 14 défaites, 2 matchs nuls. Moi, je vais te dire que regarde, ça dépasse un petit peu les objectifs que je m'étais fixés. Quoique, tu sais, regarde, quand j'ai fait ma première rencontre de parents au mois de septembre, je leur avais dit que je visais la Coupe Dodge. Donc, tu sais, je visais haut, on a atteint des grands objectifs. Puis regarde, je suis fier de ce qu'on a réalisé. Les gars, ils étaient investis, ils étaient engagés, ils ont compétitionné à chaque match. J'avais une équipe de compétiteurs et c'est ce qui fait en sorte que je leur ai dit que c'était mes champions. Là. Tu sais, regarde, on mérite le titre de champion. Tu mentionnes que les Rapides sont très décimés cette année. Décimés beaucoup. Là. Ouais, parce que puis c'est pas fort. Hein. Ça n'a pas été une grosse année, puis oui, hein? Non, je pense qu'on a eu seulement 3 victoires cette année. Là. Ça a été difficile. Puis tu vois, cette année, mais les vétérans vont quitter. Ça peut être le Bantam régional aussi, là. Non, j'ai des joueurs, mais la plupart de mes vétérans, il n'en restera pas beaucoup, là. Il y a des joueurs qui s'en vont avec les Lynx dans l'année scolaire. Okay. Et puis, il y en a qui vont aller avec les Aigles aussi du côté de Robertval, du côté scolaire également. Donc, au niveau Bantam 2B, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, honnêtement, Danny, c'est une maudite bonne question. Il faudrait que tu poses la question à David Lamontagne, le président du hockey mineur, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je suis persuadé qu'ils vont faire un Bantam 2B. Ben, Dolbeau-Mistassini, c'est des patins, c'est des winners. Puis regarde, ils vont aller jusqu'au bout, eux autres aussi. Donc, tant qu'ils vont avoir des joueurs, ils vont performer, puis ils vont essayer de... Bon, maintenant, les Marquis de Jonquière qui vont affronter Sorel en grande finale de la Ligue nord-américaine de hockey, hier, sur les ondes de CKJ, l'émission de Dan Vessel animée par Michel Tifo et Dominique Bolduc. Benoît Graton a parlé de la finale contre Sorel, une finale qui devrait être beaucoup plus physique que contre Thetford, explique l'instructeur-chef des Marquis. C'est sûr, je pense que oui, je pense que je suis certain que les entraîneurs ont fait leur devoir, puis ont gardé nos matchs, puis si tu compares de notre équipe en début de série, puis présentement, je pense qu'on joue d'une manière différente. C'est sûr que si Sorel, une équipe qui, je te dirais, qui va être beaucoup plus physique que Thetford l'a été. Donc, il va falloir justement arriver prêt à s'attendre à ce que justement ça soit plus physique. C'est une équipe qui utilise beaucoup leur bâton, qui utilise l'accrochage, qui font beaucoup d'interférences, qui jouent bien défensivement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là, du côté des entraîneurs, moi et Martin, cette semaine. On va essayer justement d'arriver avec un plan de match qui va justement essayer de contrer un petit peu le... Il y a 11 écoles dans la région, dont 2 du secteur qui vont participer à la course à relais du Grand Défi Pierre-Lavoie qui sera représentée le 11 et le 12 mai prochain. Donc, il s'agit d'abord de la polyvalente Jean Delbeau ainsi que la polyvalente 80 de Saint-Félicien. Je l'invite à écouter la section entrevue de donnersdesport.com. Hier, on a parlé avec Willie Boivin du FM 93 à Québec, qui a assisté au match des Raptors et des Leafs. Également, vous pouvez écouter l'instructeur-chef Richard Fortin des Rapides de Boumsissini et par l'entremise de CKJ, l'instructeur-chef des Marquis de Jonquière, Benoît Graton. Sport local et régional à donnersdesport.com. On s'en occupe.